J'suis content quand j'ai du bon shit ou de la bonne zep. Avec les snacks, j'aime être défoncé quand j'baise. Quand mes frères sortent de tôle, nique les tragédies pour DJ. En cage du vendredi au jeudi, texte aux Z là. J'aime voir des CRS morts, dégoûté quand mes ennemis restent là. J'aime les pimpons, suivi d'explosions et des pompiers. Les histoires de fusées à pompe. Y'a de la joie, y'a de la hiya. Des tonnes de billets, de la sable, t'as le mia, j'rappe pour les miens. A chaque mot, ça pleut la censure. Non, rap, c'est pour tous ceux qui habitent au 15ème sans ascenseur. J'aime voir du sang sur le FN. Et quand ma famille va bien, j'aime voir des billes comme Fabien. J'aime un keuf quand son slip jauni. Qui dit ah non, l'antique comme microphone, c'est l'Amazonie. J'kiffe le succès, les process en proc et les gros seins. Et les balances qu'on se faut grosser. Ce qui la ferme quand y'a du sautage, les prises d'otage. C'est de la bombe, pas de boycott. T'aimes ou t'aimes pas, dis-moi toi qui sais tout. Ceux qui font en noir t'écoutent pas et puis c'est tout. J'aime pas les dictons, ma tronche sur les bifetons. J'aimerais bien être le pain et taper les fistons. Bien ou quoi, dis-moi toi qui sais tout. Ceux qui font pas t'écoutent pas et puis c'est tout. Bro, j'aime les défis, la course en rallye faut qu'on s'allie. Parce qu'on a trop sali, Booba, Ali. Prône la paix pour les nôtres, la France n'est pas territoire neutre. De ceux que les patrouilles aiment fouiller de la mâchoire aux couilles et faire asseoir avant les coups. Tout paraît calme devant les dépôts du 92. J'aime la foi, celle qui nous maintient debout et qu'on garde à ses côtés pendant le sommeil comme une épouse. Mental, Muay Thai, kick jusqu'à épuisement. C'est Haïti, Eric, Tidiane et Sonrai. Et puis les esprits, tragiques comme une vie sans espoir. J'aime laisser croire que lunatique c'est mort et voir qui en sourit. Si tu kiffes pas, on doit t'écoutes pas et puis c'est tout. J'aime les houris, au parpaing j'nourris les mecs pourris. Soirée de banlieue, un joint, une crêpe, un tapin. La vérité, que me revienne ce que j'mérite. Et irriter l'état, j'aime lutter l'été au bled et l'été. L'Afrique est de mafia, et faire crier ma fouf. Le mafélia ça, 92 et les partous. J'aime les tasses, mais j'veux pas dire à mes gosses que. Elles aiment les grosses voitures et les grosses queues. Le ring et les strings, j'aime qu'on soit soudés chez nous. Même les culs de jade donnent des coups de genoux. J'aime ou t'aimes pas, dis-moi toi qui sais tout. Ceux qui font en noir t'écoutent pas et puis c'est tout. J'aime pas les dictons, ma tronche sur les bifetons. J'aimerais bien être le pain et taper les fistons. Bien ou quoi, dis-moi toi qui sais tout. Ceux qui font t'écoutes pas et puis c'est tout. Bro, j'aime les défis, la course en rallye faut qu'on s'allie. Parce qu'on a trop sali, Booba, Ali. J'aime la lumière, de moi-même donner le meilleur. Quand la nuit atteint son dernier tiers, que mes négros soient fiers de nous et qu'on pourra la route tourne. J'kiffe la vie, chaque minute même dans la routine. Parler de retourner sur la terre de nos pères motive à prendre que des ogives. Tombe là où sont permis les orgies. Quand les prisons passent sous le contrôle d'assurgés, j'aime me préparer pour le jour J. Celui du jugement, le passé chargé de péché n'empêche pas de prêcher la vertu. Averti, si tu kiffes pas Renoir, garde tes distances. Mes pensées, celle d'un lunatique, rien n'a changé. Au microphone, Booba, Ali, c'est toujours danger. Laissez la rivalité déçue, stupide. Mon hip-hop n'est pas fait pour stopper. J'aime mes gens du pont de Sèvres d'ici. Profite de leur présence, car trop vite arrive un décès. Soumis à la vérité, la plus haute autorité. Grâce à qui mon cœur bat me permet t'aime d'aimer. T'aimes ou t'aimes pas, dis-moi toi qui sais tout. Ceux qui font Renoir t'écoutent pas et puis c'est tout. J'aime pas les dictons, ma tronche sur les bifetons. J'aimerais bien être le pain et taper les fistons. Bien ou quoi, dis-moi, toi qui sais tout. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Bro, j'aime les défis, la course en rallye faut qu'on s'allie. Parce qu'on a trop sali, Booba, Ali. Booba, Ali. Allez, Booba, allez.